Audiomatique. La transmission 189 d'Audiomatic s'ouvrait avec le projet Space-Time Continuum mené par le Britannique Jonah Sharp et sa composition Funkier, ici remixée par Higher Intelligence Agency. Cette version est tirée de l'album Remit Recaps, qui comprend des pièces de l'album Emit Ecaps, remixé par différents artistes. Et pour élucider le mystère entourant la signification du titre de l'album Emit Ecaps, sachez qu'il s'agit simplement du mot Space-Time, écrit à l'envers. Les électronistes qui vous accompagneront pour la prochaine heure en vous présentant des musiques à caractère électronique. Et pour poursuivre cette prochaine séquence, il s'agit du projet américain Active Child. Indecisive, incomplete. Audiomatique, nous venons tout juste d'entendre le producteur et musicien américain Carmen Rizzo, accompagné de la chanteuse norvégienne Kate Avnevik, qui nous interprétait la chanson « Bring it back to me » de l'album « The Lost Art of the Idle Moment ». Précédemment, nous avions droit au duo anglais Groove Armada et la pièce « Remember » qui comprend un échantillonnage de la voix de la chanteuse britannique Sandy Denny, échantillonnage tiré de la chanson « Autopsy » du groupe Fairport Convention, chanson parue en 1969 sur l'album « On Half Breaking ». La pièce « Remember » de Groove Armada, celle que l'on entendait, se retrouve sur leur quatrième album « Love Box ». Et en début de séquence, Patrick Grossi, sous son pseudonyme d'Active Child, nous offrait la chanson Shield and Sword de son premier album You Are All I See. Audiomatique se poursuit à l'instant avec le groupe néerlandais Clan of Xymox. We'll be right back. You silent for us. You Nous entendions à Audiomatic le groupe islandais Sigur Rós et la septième pièce sans titre de leur troisième album, dont le titre est une parenthèse ouverte suivie d'une parenthèse fermée. Tout juste avant, nous vous avons fait jouer le groupe anglais Killing Joke et leur chanson Mathematics of Chaos de leur album Pandemonium. Et pour introduire ce segment, c'était le groupe Clan of Zymox et la pièce Cry in the Wind, parue sur leur album Clan of Zymox, lancé en 1985. La conclusion de cette transmission 189 d'Audiomatic sera l'œuvre du groupe anglais Pop Will Eat Itself et leur composition Harry Dean Stanton, de leur quatrième album, The Looks or the Lifestyle. Nous vous donnons rendez-vous, bien sûr, mercredi prochain sur les ondes de C'est fou pour la transmission 190 d'Audiomatic. Nos profils sur les plateformes facebook.com/audiomatic/CFOU et mixcloud.com/audiomatic sont les meilleurs endroits à visiter si jamais vous souhaitez écouter nos anciennes émissions quand bon vous semble. Alors, comme annoncé, voici Pop Will Eat Itself et la pièce Harry Dean Stanton. C'était Audiomatic avec les électronistes.